Le prix de la vie par Eugène Scribe. Chapitre 1er. Et Joseph, ouvrant la porte du salon, vint nous dire que la chaise de poste était prête. Ma mère et ma sœur se jetèrent dans mes bras. « Il est temps encore, me disait-elle, renonce à ce voyage, reste avec nous. Ma mère, je suis gentilhomme, j'ai 20 ans. Il faut qu'on parle de moi dans le pays, que je fasse mon chemin, soit à l'armée, soit à la cour. Et quand tu seras parti, dis-moi, Bernard, que deviendrai-je ? Vous serez heureuse et fière en apprenant le succès de votre fils. Et si tu es tué dans quelque bataille, qu'importe, qu'est-ce que la vie ? Est-ce qu'on y songe ? On ne songe qu'à la gloire quand on a 20 ans et qu'on est gentilhomme. Et me voyez-vous, ma mère, revenir près de vous dans quelques années, colonel ou maréchal de camp, ou bien avec une belle charge à Versailles ? Eh bien, qu'en arrivera-t-il ? Il arrivera que je serai ici respecté et considéré. Et après ? Que chacun m'ôtera son chapeau. Et après ? Que j'épouserai ma cousine Henriette, que je marierai mes jeunes sœurs et que nous vivrons tous avec vous, tranquilles et heureux dans mes terres de Bretagne. Et qui t'empêche de commencer dès aujourd'hui ? Ton père ne nous a-t-il pas laissé la plus belle fortune du pays ? Y a-t-il à 20 lieues à la ronde un plus riche domaine et un plus beau château que celui de la Roche-Bernard ? N'y es-tu pas considéré de tes vassaux ? En manque-t-il, quand tu traverses le village pour te saluer et ôter leur chapeau ? Ne nous quitte pas, mon fils, reste près de tes amis, près de tes sœurs, près de ta vieille mère. Qu'au retour, peut-être, tu ne retrouveras plus. Ne va pas dépenser en vaine gloire ou abréger, par des soins et des tourments de toute espèce, des jours qui déjà s'écoulent si vite. La vie est douce chose, mon fils, et le soleil de Bretagne est si beau. En disant cela, elle me montrait par les fenêtres du salon les belles allées de mon parc, les vieux marronniers en fleurs, les lilas, les chèvrefeuilles, dont le parfum embaumait les airs et dont la verdure étincelait au soleil. Dans l'antichambre se tenait le jardinier et toute sa famille, qui, triste et silencieux, semblait aussi me dire « Ne partez pas, notre jeune maître, ne partez pas !» Hortense, ma sœur aînée, me serrait dans ses bras, et Amélie, ma petite sœur, qui était dans un coin du salon, occupée à regarder les gravures d'un volume de La Fontaine, s'était approchée de moi en me présentant le livre. « Lisez, lisez, mon frère !» me disait-elle en pleurant. C'était la fable des deux pigeons. Je me levai brusquement, je les repoussai tous. « J'ai 20 ans, je suis gentilhomme, il me faut de l'honneur, de la gloire, laissez-moi partir. » Et je m'élançai dans la cour. J'allais monter dans la chaise de poste lorsqu'une femme parut sur le perron de l'escalier. C'était Henriette. Elle ne pleurait pas. Elle ne prononçait pas une parole. Mais pâle et tremblante, elle se soutenait à peine. De son mouchoir blanc, qu'elle tenait à la main, elle me fit un dernier signe d'adieu, et elle tomba sans connaissance. Je courus à elle, je la relevai, je la serrai dans mes bras. Je lui jurai amour pour la vie, et au moment où elle revenait à elle, la laissant aux soins de sa mère et de ma sœur, je courus à ma voiture sans m'arrêter, sans retourner la tête. Si j'avais regardé Henriette, je ne serais pas parti. Quelques minutes après, la chaise de poste roulait sur la grande route. Pendant longtemps, je ne pensais qu'à mes sœurs, à Henriette, à ma mère et à tout le bonheur que je laissais derrière moi. Mais ces idées s'effaçaient à mesure que les tourelles de la Roche-Bernard se dérobaient à ma vue. Et bientôt, des rêves d'ambition et de gloire s'emparèrent seuls de mon esprit. Que de projets ! Que de châteaux en Espagne ! Que de belles actions je me créais dans ma chaise de poste ! Richesse, honneur, dignité, succès en tout genre, je ne me refusais rien. Je méritais et je m'accordais tout. Enfin, m'élevant en grade à mesure que j'avançais en route, j'étais duc et pair, gouverneur de province et maréchal de France quand j'arrivais le soir à mon auberge. La voix de mon domestique, qui m'appelait modestement Monsieur le Chevalier, me força seul de revenir à moi et d'abdiquer. Le lendemain et les jours suivants, même rêve, même ivresse, car mon voyage était long. Je me rendais aux environs de Sedan, chez le duc de C, ancien ami de mon père et protecteur de ma famille. Il devait m'emmener avec lui à Paris, où il était attendu à la fin du mois. Il devait me présenter à Versailles et me faire obtenir une compagnie de dragons. Par le crédit d'une sœur à lui, la marquise de F, jeune femme charmante, désignée par l'opinion générale à la survivance de Madame de Pompadour, place dont elle réclamait le titre, avec d'autant plus de justice que depuis longtemps déjà, elle remplissait les fonctions honorables. J'arrivai le soir à Sedan, et ne pouvant pas, à l'heure qu'il était, me rendre au château de mon protecteur, je remis ma visite au lendemain, et j'allai loger aux Armes de France, le plus bel hôtel de la ville, rendez-vous ordinaire de tous les officiers, car Sedan est une ville de garnison, une place forte. Les rues ont un aspect guerrier, et les bourgeois même une tournure martiale qui semble dire aux étrangers « Nous sommes compatriotes du Grand Turan ». Je soupais à table d'hôte, et je demandai le chemin qu'il fallait suivre pour me rendre le lendemain au château du duc de C, situé à 3 lieues de la ville. « Tout le monde vous l'indiquera, me dit-on. Il est assez connu dans le pays. C'est dans ce château qu'est mort un grand guerrier, un homme célèbre, le maréchal Faber. » Et la conversation tomba sur le maréchal Faber. Entre jeunes militaires, c'était tout naturel. On parla de ses batailles, de ses exploits, de sa modestie, qui lui fit refuser la lettre de noblesse et le collier de ses ordres que lui offrait Louis XIV. On parla surtout de l'inconcevable bonheur qui, de simple soldat, l'avait fait parvenir au rang de maréchal de France, lui, homme de rien, et fils d'un imprimeur. C'était le seul exemple qu'on pouvait citer d'une pareille fortune qui, du vivant même de Faber, avait paru si extraordinaire que le vulgaire n'avait pas craint de la léguer à son élévation des causes surnaturelles. On disait qu'il s'était occupé dès son enfance de magie, de sorcellerie, qu'il avait fait un pacte avec le diable, et notre aubergiste, qui à la bêtise d'un champenois joignait la crédulité de nos bons paysans bretons, nous attesta avec un grand sang-froid qu'au château du duc de C, où Faber était mort, on avait vu un homme noir, que personne ne connaissait, pénétrer dans sa chambre et disparaître, emportant avec lui l'âme du maréchal qu'il avait autrefois acheté et qui lui appartenait, et que même maintenant encore, dans le mois de mai, époque de la mort de Faber, on voyait apparaître le soir une petite lumière portée par l'homme noir. Ce récit égaya le dessert et nous bûmes une bouteille de champagne au démon familier de Faber, en le priant de vouloir bien aussi nous prendre sous sa protection et nous faire gagner quelques batailles comme celle de la Calicure et de la Marfée. Le lendemain, je me levai de bonne heure et je me rendis au château du duc de C, immense et gothique manoir, qu'en tout autre moment, je n'aurais peut-être pas remarqué, mais que je regardais, j'en conviens, avec une curiosité mêlée d'émotion, en me rappelant le récit que nous avait fait la veille l'aubergiste des armes de France. Le valet à qui je m'adressais me répondit qu'il ignorait si son maître était visible et surtout s'il pouvait recevoir. Je lui donnai mon nom, et il sortit en me laissant seul dans une espèce de salle d'armes, décorée d'attributs de chasse et de portraits de famille. J'attendais quelque temps et l'on ne venait pas. Cette carrière de gloire et d'honneur que j'avais rêvée commence donc par l'antichambre, me disais-je, et solliciteur mécontent, l'impatience me gagnait. J'avais déjà compté 2 ou 3 fois tous les portraits de famille et toutes les poutres du plafond lorsque j'entendis un léger bruit dans la boiserie. C'était une porte mal fermée que le vent venait d'entrouvrir. Je regardai et j'aperçus un très joli boudoir éclairé par 2 grandes croisées et une porte vitrée qui donnait sur un parc magnifique. Je fis quelques pas dans cet appartement et je m'arrêtai à la vue d'un spectacle qui d'abord n'avait pas frappé mes yeux. Un homme, le dos tourné à la porte par laquelle je venais d'entrer, était couché sur un canapé. Il se leva, et sans m'apercevoir, courut brusquement à la croisée. Des larmes sillonnaient ses joues. Un profond désespoir paraissait empreint dans tous ses traits. Il resta quelque temps immobile et la tête cachée dans ses mains. Puis il commença à se promener à grands pas dans l'appartement. J'étais alors près de lui. Il m'aperçut et tressaillit, moi-même, désolé, et tout étourdi de mon indiscrétion. Je voulais me retirer en balbutiant quelques mots d'excuse. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? » me dit-il d'une voix forte en me retenant par le bras. « Je suis le chevalier Bernard de la Roche-Bernard et j'arrive de Bretagne. Je sais, je sais. » me dit-il. Il se jeta dans mes bras, me fit asseoir à côté de lui, me parla vivement de mon père et de toute la famille, qu'il connaissait si bien que je ne doutais pas que ce ne fût le maître du château. « Vous êtes monsieur X ? » lui demandai-je. Il se leva et me regarda avec exaltation. Il me répondit « Je l'étais, je ne le suis plus, je ne suis plus rien. » Et voyant mon étonnement, il s'écria « Pas un mot de plus, jeune homme, ne m'interrompez pas. » « Si, monsieur, j'étais témoin sans le vouloir de votre chagrin et de votre douleur, et si mon dévouement et mon amitié peuvent y porter quelque adoucissement, oui, oui, vous avez raison. Non que vous puissiez rien changer à mon sort, mais vous recevrez du moins mes dernières volontés et mes derniers vœux. C'est le seul service que j'attends de vous. » Il alla fermer la porte et revint s'asseoir près de moi, qui, ému et tremblant, attendait ses paroles. Elles avaient quelque chose de grave et de solennel. Sa physionomie, surtout, avait une expression que je n'avais encore vue à personne. Ce front que j'examinais attentivement semblait marquée par la fatalité. Sa figure était pâle. Ses yeux noirs lançaient des éclairs et, de temps en temps, ses traits, quoique altérés par la souffrance, se contractaient par un sourire ironique et infernal. « Ce que je vais vous apprendre, me dit-il, va confondre votre raison. Vous douterez, vous ne croirez pas. Moi-même, bien souvent, je doute encore. Je voudrais, du moins, mais les preuves sont là. Il y a, dans tout ce qui nous entoure, dans mon organisation même, bien d'autres mystères que nous sommes obligés de subir sans pouvoir les comprendre. » Il s'arrêta un instant comme pour recueillir ses idées, passa la main sur son front et continua. « Je suis né dans ce château. J'avais deux frères, mes aînés, à qui devaient revenir les biens et les honneurs de notre maison. Je n'avais rien à attendre que le manteau d'abbé et le petit collet. Et cependant, des pensées d'ambition et de gloire fermentaient dans ma tête et faisaient battre mon cœur. Malheureux de mon obscurité, avide de renommée, je ne rêvais qu'aux moyens d'en acquérir. Et cette idée me rendait insensible à tous les plaisirs et à toutes les douceurs de la vie. Le présent ne m'était rien. Je n'existais que dans l'avenir, et cet avenir se présenta à moi sous l'aspect le plus sombre. J'avais près de 30 ans et je n'étais rien encore. Alors, et de tous côtés, s'élevaient dans la capitale des réputations littéraires dont l'éclat retentissait jusqu'en nos provinces. Ah, me disais-je souvent, si je pouvais du moins me faire un nom dans la carrière des lettres, ce serait toujours de la renommée, et c'est là le sentiment qu'est le bonheur. J'avais pour confident de mes chagrins un ancien domestique, un vieux nègre, qui était dans ce château bien avant ma naissance. C'était à coup sûr le plus âgé de la maison, car personne ne se rappelle y avoir vu entrer. Les gens du pays prétendaient même qu'il avait connu le maréchal Fabert et assisté à sa mort. En ce moment, mon interlocuteur me fit faire un geste de surprise. Il s'arrêta et me demanda ce que j'avais. « Rien, lui dis-je. Mais malgré moi, je pense à l'homme noir dont nous avait parlé la veille, notre aubergiste. » Monsieur de C continua. Un jour, dans Riago, c'était le nom du nègre, je me laissai râler à mon désespoir sur mon obscurité et sur l'inutilité de mes jours et je m'écriai. Je donnerais 10 années de ma vie pour être placé au premier rang de nos auteurs. 10 ans, me dit-il froidement, c'est beaucoup. C'est payer cher bien peu de choses. N'importe, j'accepte vos 10 ans, je les prends. Rappelez-vous vos promesses, je tiendrai les miennes. Je ne vous peindrai pas ma surprise en l'entendant parler ainsi. Je crus que les années avaient affaibli sa raison. Je haussai les épaules en souriant et je quittai quelques jours après le château pour faire un voyage à Paris. Là, je me trouvais lancé dans la société des gens de lettres. Leur exemple m'encouragea, et je publiai plusieurs ouvrages dont je ne vous raconterai pas le succès. Tout Paris s'empressa de les voir. Les journaux retentirent de mes louanges. Le nouveau nom que j'avais pris d'un célèbre et hier encore, jeune homme, vous-même l'admiriez. Ici un nouveau geste de surprise interrompit ce récit. « Vous n'êtes donc pas monsieur le duc de C ?» m'écriai-je. « Non, » répondit-il froidement. Et je me dis en moi-même, « Un homme de lettres célèbre, est-ce Marmontel ? Est-ce d'Alembert ? Est-ce Voltaire ?» Mon inconnu soupira. Un sourire de regret et de mépris vint effleurer ses lèvres, et il reprit son récit. Cette réputation littéraire que j'avais enviée fut bientôt insuffisante pour une âme aussi ardente que la mienne. J'aspirais à de plus nobles succès, et je dis à Iago, qui m'avait suivi à Paris et qui ne me quittait plus. Il n'y a de gloire réelle, il n'y a de véritable renommée que celle que l'on acquiert dans la carrière des armes. Qu'est-ce qu'un homme de lettres? Un poète? Rien. Parlez-moi d'un grand capitaine, d'un général d'armée. Voilà le destin que j'envie. Et pour une grande réputation militaire, je donnerai 10 des années qui me restent. Je les accepte, me répondit Iago. Je les prends. Elles m'appartiennent. Ne l'oubliez pas. Pendant qu'il marchait à grands pas, qu'il parlait ainsi avec chaleur, avec enthousiasme, la surprise avait glacé tous mes sens, je me disais. Qui donc est là près de moi? Est-ce Coigny? Est-ce Richelieu? Est-ce le maréchal de Saxe? De cet état d'exaltation, mon inconnu était retombé dans l'abattement, et s'approchant de moi, il me dit d'un air sombre. Iago avait dit vrai. Et quand, plus tard, dégoûté de cette vaine fumée de gloire militaire, j'aspirais à ce qu'il y ait seulement de réel et de positif dans ce monde, quand, au prix de 5 ou 6 années d'existence, je désirais l'or et les richesses, il me les accorda encore. Oui, jeune homme, oui. J'ai vu la fortune seconder, surpasser tous mes vœux. Des terres, des forêts, des châteaux, ce matin encore, tout cela était en mon pouvoir. Et si vous doutez de moi, si vous doutez de Iago, attendez, il va venir. et vous allez voir par vous-même, par vos yeux. Car ce qui confond votre raison et la mienne n'est malheureusement que trop réel. » L'inconnu s'approche alors de la cheminée, regarda la pendule, fit un geste d'effroi et me dit à voix basse. « Ce matin, au point du jour, je me sentais si abattu et si faible que je pouvais à peine me soulever. Je sonnai mon valet de chambre, ce fut Iago qui parut. « Qu'est-ce donc que j'éprouve ?» lui dis-je. « Maître, rien que de très naturel, l'heure approche, le moment arrive. « Et lequel ?» lui dis-je. « Ne devinez-vous pas. Le ciel vous avait destiné 60 ans à vivre. Vous en aviez 30 quand j'ai commencé à vous obéir. « Iago, lui dis-je avec effroi, parles-tu sérieusement ?»« Oui, maître. En 5 ans, vous avez dépensé en gloire 25 années d'existence. Vous me les avez données, elles m'appartiennent. Et les jours dont vous avez été privé seront maintenant ajoutés aux miens. » « Quoi ? C'était là le prix de tes services ? D'autres m'ont payé plus cher. Témoin Fabert, que je protégeais aussi. Tais-toi, tais-toi, lui dis-je. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. À la bonne heure, mais préparez-vous, car il ne vous reste plus qu'une demi-heure à vivre. Tu te joues de moi, tu me trompes. En aucune façon, calculez-vous-même. 35 ans, vous avez vécu réellement, et 25, vous avez perdu. Total, 60, c'est votre compte, chacun le sien. Et il voulait sortir. Je sentais mes forces diminuer, je sentais la voix m'échapper. « Iago, Iago » m'écriai-je. « Donne-moi quelques heures encore !»« Non, non, » répondait-il. « Ce serait maintenant les retranchés de mon compte et je connais mieux que vous le prix de la vie. Il n'y a pas de trésor qui puisse payer 2 heures d'existence. »« Eh bien, » lui dis-je en faisant un effort, « reprends les biens pour lesquels j'ai tant sacrifié. 4 heures encore et je renonce à mon or, à mes richesses, à cette opulence que j'ai tant désirée. »« Soit, tu as été un bon maître. » Et je veux bien faire quelque chose pour toi, j'y consens. Je sentis mes forces ranimer et je m'écriai. 4 heures. C'est si peu de choses. Iago, Iago, 4 autres encore. Et je renonce à ma gloire littéraire, à tous mes ouvrages, ce qui m'avait placé si haut dans l'estime du monde. 4 heures pour cela, s'écria le nègre avec dédain. C'est beaucoup. N'importe, je n'aurais pas refusé ta dernière grâce. Non, pas la dernière, lui dis-je, en joignant les mains. Iago! Iago, je t'en supplie, donne-moi jusqu'à ce soir les 12 heures, la journée entière, et que mes exploits, mes victoires, que ma renommée militaire, que tout soit effacé à jamais de la mémoire des hommes, qu'il n'en reste plus rien sur la terre. Le jour, Iago, le jour tout entier, et je serai trop content. Tu abuses de ma bonté, me dit-il, et je fais un marché de dupes. N'importe encore, je te donne jusqu'au coucher du soleil. Après cela, ne me demande plus rien. À ce soir donc, je viendrai te prendre. Et il partit, poursuivit l'inconnu avec désespoir. Et ce jour où je vous parle est le dernier qui me reste. Puis, s'approchant de la porte vitrée qui était ouverte et qui donnait sur le parc, il s'écria. Je ne verrai plus ce beau ciel, ces verts gazons, ces eaux jaillissantes. Je ne respirerai plus l'air embaumé du printemps, insensé que j'étais. Ces biens que Dieu donne à tous, ces biens auxquels j'étais insensible et dont maintenant je comprends la douceur. Pendant 25 années encore, je pouvais en jouir. Et j'ai usé mes jours, je me suis sacrifié pour une vaine chimère, pour une gloire stérile, qui ne m'a pas rendu heureux et qui est morte avant moi. Tenez, dit-il en me montrant des paysans qui traversaient le parc et se rendaient à l'ouvrage en chantant, que ne donnerais-je pas maintenant pour partager leurs travaux et leurs misères? Mais je n'ai rien à donner, rien à espérer ici-bas, rien, pas même le malheur. En ce moment, un rayon de soleil, un soleil du mois de mai, vint éclairer ses traits pâles et égarés. Il me saisit le bras avec une espèce de délire et il me dit « Voyez, voyez donc que c'est beau le soleil. Il me faut quitter tout cela. Ah, que demain j'en jouisse encore, que je savoure en entier ce jour si pur et si beau, qui pour moi n'aura pas de lendemain. » Il s'élança en courant dans le parc, et au détour d'une allée il disparut avant que j'eusse pu le retenir. À vrai dire, je n'en avais pas la force. J'étais retombé sur le canapé, étourdi, anéanti de tout ce que je venais de voir et d'entendre. Je me soulevais. Je marchais pour bien me convaincre que j'étais éveillé, que je n'étais pas sous l'influence d'un songe. En ce moment, la porte s'ouvrit et un domestique me dit « Voici mon maître, monsieur le duc de C. » Un homme d'une 60aine d'années, d'une physionomie distinguée, s'avança et me tenda la main, me demanda pardon de m'avoir fait attendre aussi longtemps. « Je n'étais pas au château, me dit-il. Je reviens de la ville et j'étais consulté pour la santé du comte de C, mon frère. Ses jours seraient-ils en danger ? M'écriai-je. Non, monsieur, grâce au ciel, me répondit le duc. Mais dans sa jeunesse, des idées d'ambition et de gloire avaient exalté son imagination, et une maladie fort grave qu'il a faite dernièrement, où il a pensé périr, lui a laissé au cerveau une espèce de délire et d'aliénation qui lui persuade toujours qu'il n'a plus qu'un jour à vivre. C'est là sa folie. Tout me fut expliqué. Maintenant, poursuivit le duc, venons à vous, jeune homme, et voyons ce que nous pouvons faire pour votre avancement. Nous partirons à la fin de ce mois pour Versailles, je vous présenterai. Je connais vos bontés pour moi, monsieur le duc, et je viens vous en remercier. Quoi ? Auriez-vous renoncé à la cour et aux avantages que vous pouvez y attendre ? Oui, monsieur. Mais voyez donc que, grâce à moi, vous ferez un chemin rapide, et qu'avec un peu d'assiduité et de patience, vous pouvez, d'ici à une dizaine d'années... 10 années de perdu ! M'écriai-je. Eh bien, reprit-il avec étonnement, est-ce payer trop cher la gloire, la fortune, les honneurs ? Allons, jeune homme, nous partirons pour Versailles. Non, monsieur le duc, je repars pour la Bretagne, et vous prie de nouveau de recevoir tous mes remerciements et ceux de ma famille. C'est de la folie ! S'écria le duc. Et moi, pensant à tout ce que je venais de voir et d'entendre, je me dis, c'est de la raison. Le lendemain, j'étais en route, et avec quelle délice je revis mon beau château de la Roche-Bernard, les beaux arbres de mon parc, le beau soleil de la Bretagne. J'avais retrouvé mes vassaux, mes sœurs, mes amis et le bonheur, qui depuis ne m'a plus quitté, car 8 jours après, j'épousai Henriette. Ainsi s'achève Le prix de la vie par Eugène Scribe.